Abs nigga, what's up? Okay. Tomorrow, bye. Que je m'exprime, c'est fini l'intérim, mais toujours un bug dans la poitrine. Ce game me chagrine, ils ont pas un dans le jean. Mais bon, c'est ça la douille, y'a la farine dans les narines. Certains dans la marine, certains dans la famine. Certains...